بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره مكتفما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا أمس رؤوس التغاوت ومن ذلك أخذنا الشيطان إسكي سكو المرد بالشيطان Iblis, Harun, Atam. Ou il a un shaitan, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'ins? Non. Naham, tamam. On peut l'utiliser aussi pour l'ins ou bien le djinn. Kamarayna fil aya. Ou alors, le mu'arrad, Harun, c'est shaitan. C'est son laqab, c'est son surnom. Ou soumé bidale, quel est nahu ba'idun ma rahmatillahi azza wa jal. Tam katalika min laqabihi, ou min sifatihi ar-rajim. Bimana al-marjoum, celui qui est rejeté, yani. الرجيم بمعنى المرجوم الشيطان الرجيم المرجوم الداعي إلى عبادة غير الله عز وجل. On a pu voir que المراد بالعبادة c'est quoi? C'est الطاعة. الطاعة. Généralement, عبادة الشيطان c'est بالطاعة. C'est بالطاعة. لكن هناك il y a des personnes comme les sataniques. Je ne sais pas c'est quel secte là. Sataniques c'est ça? Sataniste, ouais. Ouais, sataniste, mais c'est-à-dire qu'il voulait l'adoration, mais ce jour de l'akhir, ou le recours. Lakin hada qalil. Ou l'akthar huwa l'istijaba, bima'na ta'a. Naham. Comme on a pu voir dans l'aïa, ou qu'a le shaitan, ou l'amma qu'udhi l'amr, inna Allah wahdakum wahda al-haq, wa wahdakum wa khalaftukum, wa ma kana li alaykum mi sultanin, illa an da'autukum, fa istajabatum li. Naham. Fala talumuni wa lumu anfusakum. ثم on a vu al hakim al ja'ir. C'est quoi la différence entre le deuxième et le troisième point? Le deuxième il change, il invente. Naham. Et le troisième il suit. Il suit. Naham. Déjà existante mais autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement, c'est bon. Et on a pu évoquer par rapport à la ayah, le tafsir qu'on a évoqué hier, c'est il y a des bits muhtasar, yani de ce qu'a dit l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Tamam. Par rapport à la ayah, لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآية. فهذا tout ce qu'on a pu évoquer comme explication, c'est l'explication de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, surtout par rapport au deuxième point, dans le point où on a évoqué que cette ayah là elle n'est pas forcément pour celui qui est sorti d'islam. Parce qu'on a pu voir que cette ayah là on peut la comprendre de deux manières: أطارد بمعنى celui qui fait sortir d'islam, et le tarot bima'na al-batil, c'est-à-dire bima'na al-ma'siyah. Naham. Oulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Naham. Fa kayfa idha asabat-hum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Fa qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala in aradna illa musanahatan wa mudarah. On a juste voulu prendre un bien de la vie d'ici-bas. Et c'est pas par mécréance du kitab de la sunna. Donc ça montre que c'est pas de la mécréance. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Oulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim. Cette œuvre-là, ça fait partie du nifaq al-hamali. Ensuite, on a pu voir, Alladhi yahkum bi ghayri ma anzala Allah, wa man lam yahkum bi ma anzala Allah, fa oulaika hum al-kafirun. Qu'est-ce qu'a dit Ibn Abbas par rapport à ça? Kufrun duna kufr. Est-ce que ça, c'est la parole d'une partie infime ou bien la majorité des sahaba? Non, c'est la majorité. La majorité des sahaba, comme l'a évoqué Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, naam. Et qu'est-ce qui nous pousse à interpréter yani cette ayah-là, comme l'a interprété Ibn Abbas? Il y a aussi la parole d'Ibn Hazm. Ah, exactement. Sur ça, par rapport à innahum kafirun, wal fasiqun, et al-zalimun. Dans ce cas-là, c'est toute personne, dans le sens, toute personne qui suit sa passion, yani, elle a jugé avec autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cas-là, on devrait sortir de l'islam, yani, tous ceux qui commettent des maasis. Exactement, c'est pour ça qu'on est obligé de qayyid, on a de restreindre cette ayah-là. Parce que si jamais on la prend dans toute sa généralité, et ben on va sortir de l'islam des personnes qui sont musulmans. Parce que toute personne qui désobéit Allah azza wa jal a certes jugé sur lui-même par une loi qui est autre que celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa al-ma'siyah sa hukm bi ghayri ma anzala Allah. Donc c'est un kufr d'un kufr. Et tout ce qu'il a évoqué là, c'est toute la risala de Marna Tarut. La risala de Marna Tarut. Min awaliha ila akhiri. قال رحمه الله تعالى قال الرابع قال الذي يدعي علم الغيب من دون الله عز وجل. Le quatrième point parmi الرؤوس الطغاوت, celui qui prétend connaître l'avenir ou bien l'invisible. Connaître l'avenir ou bien l'invisible. من دون الله عز وجل, et en dehors d'Allah عز وجل, et en dehors de choses dont Allah subhanahu wa ta'ala s'est spécifié. فهناك من الأشياء que Allah subhanahu wa ta'ala connaît, كذلك الخلق il connaît. C'est pour ça que, yani, masalan, si jamais une femme a fait une échographie après le quatrième mois, et qu'ils lui disent, yani, les médecins, que ce soit, yani, ça va être peut-être une fille ou bien un garçon, ça fait pas partie min iddi'a ilm al-ghayb. Pourquoi? Parce que, à partir du quatrième mois, comme est venu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, yani, al-malak, il vient, et yanfakhu fihi ar-ruh. Tam, fiktab alayhi rizquhu, wa jaluhu, wa shaqiyun, wa sa'idun, wa amaluhu. Donc, Al-Malak, celui qui est envoyé dans Rahim Al-Mar'a pour insuffler le Ar-Ruh, les Alik Al-Janin, il connaît, yani, est-ce que cette personne-là sera heureux ou bien malheureux, les jours à vivre, yani, dans la vie d'ici-bas, quelle œuvre il va faire, est-ce que ce sera un Dakar ou bien Untha, c'est-à-dire que ce Malak-là, il a la science de cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Donc, à partir du moment que ce Malak-là, il connaît ces choses-là, et que les médecins ensuite font des ijtihad avec leurs appareils et ils disent, yani, peut-être que ça va être un garçon, ça fait pas partie min iddi'a ilm al-ghayb, parce que ça fait partie des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala a partagé cette science là. Naam. Fa si jamais c'est en dehors de 3 mois ou plutôt en dehors de 4 mois, avant les 4 mois, fa hahuna yadkhulu fi shirk, si jamais il vient et il prétend ceci et cela. Fa avant cela, si yad'i shay'an fa hadha fi al-haqiqa سَخَتِرَ عَلَيْهِ, ça fait partie des choses qui sont مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَ وَجَلَ, c'est-à-dire qui sont spécifiques à Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَقْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا. نعم, كما بين في هذه الآية رحمه الله تعالى الله سبحانه وتعالى كما قال عالم الغيب, هذا من أسمائه سبحانه وتعالى, عالم الغيب celui qui connaît l'invisible et le futur. قال فلا يظهر على غيبه أحدا, et il ne ils ont traduit comment, il ne dévoile son mystère à personne. Voilà son mystère. Ouais, non, et il dévoile, yani, il ne dévoile pas, yani, comment ça s'appelle, l'invisible à aucune personne. Donc ça veut dire que cette chose-là est spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَقْتَضَى مِنْ رَسُولٍ, excepté ceux dont Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. وَمِنْ ذَلِكَ الرَّسُولِ الرَّسُولِ, ça peut être مِنْ الرَّسُولِ الْمَلَكِ ou الرَّسُولِ الْبَشَرِ, ça peut être un homme comme un malaki. الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس, كما قال سبحانه وتعالى الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فتو peux dire d'un malak que c'est un rasoul, et que dans le cas de, yani, al-bashar, ceux dont Allah عز وجل a révélé sur eux la révélation, que dans le cas c'est de rasoul. نعم, رصد يعني حراس, jamais tu veux, رصد قال العلماء القوم الذي يرصدون كالحراس. الرصاد يعني سكال الحراس, c'est comme les gardiens, يعني. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège, yani, cette science-là qui va faire descendre, yani, sur une des personnes parmi ceux qu'il a choisi, afin de lui partager cette science-là dont Allah azza wa jal était le seul à la connaître. Fa kama ta'lam al-shayatin, il se poste, yani, dans les cieux afin de pouvoir, yani, écouter, yani, ce qui va être décrété à certaines des personnes. C'est pour ça que certains des charlatans, ils arrivent à te prédire des choses, yani, à te prédire des choses qui vont venir. Pourquoi? Parce que Shaytan, Shayatin Hawala, ils vont dans les cieux et ils écoutent ce qui va être dit, et ensuite l'un après l'autre, ils se partagent et se transmettent cette information-là jusqu'à ce qu'elle vient à l'oreille du Kahen, comme dans le Kitab al-Tawhid. Déjà, fait le Hadith. Le Hadith, il est fait muslim. Comme tu le veux, le Hadith 2924. كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبيئا الذي ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم j'ai une chose يعني dont tu ne connais pas فقال دخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسى فلن تعدو قدرك فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنقه حديث لامبلون المهم cette personne là il a prétendu une chose dont Anabi Sam ne connaissait pas, il voulait dire Dukhan, il voulait dire Dukhan comme l'expliquait An-Nawawi rahimahullah ta'ala et il n'a pas eu le temps de terminer. Al-Muhim fa ar-rasad bima'na c'est al-hafiz, c'est la personne yani qui va protéger cette parole là dont Allah subhanahu wa ta'ala va révéler à un de ses messagers. Na'am kama qala subhanahu wa ta'ala inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa min dhalika. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il fait descendre, il y en a des choses qui sont relatives au wahy, il met des rasad, c'est-à-dire des hurras, afin qu'il s'assure que ce message-là va arriver au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam sans que personne d'autre n'entende. Amma les choses qui sont en dehors de l'wahy, de la révélation, il y en a des choses que Allah subhanahu wa ta'ala décrète, il y en a parmi l'achia, « Adunyawiyya faqad yastami'a » فقد يسترق السمع فإي peut écouter. لكن des fois il se fait lapider par une étoile filante et des fois il arrive à destination, il arrive à transmettre, il y en a ces choses là. لكن concernant le wahy, ils ont aucune possibilité de pouvoir écouter parce qu'Allah عز وجل كما قال إلا من ارتضى من الرسول ها هنا المراد بالرسول c'est le bashari, c'est-à-dire le nabi يعني. قال إلا من ارتضى من الرسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. Tam, il protège yani, cette révélation-là. Rasad bimana al-hurras. Idan, ça montre que c'est une chose dont Allah Azzawajal il s'est spécifié. Donc, celui qui prétend l'invisible ou bien l'avenir, c'est comme si jamais il avait démenti cette ayah-là. Et ça, c'est du kufru billahi Azzawajal. Man kafara bil kitabillah, ou bi ba'd kitabillah, huwa kafir. Qal wa qawluhu ta'ala, wa indakum mafatihul ghaybi, la ya'lamuha illa hu. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية كذلك montre qu'Allah سبحانه وتعالى s'est approprié علم الغيب. فقال وعنده مفاتيح الغيب. Il détient les clés de l'invisible. Ils ont traduit ça comme ça? Les clés inconnaissables. قال لا يعلمها إلا هو. فالله سبحانه وتعالى dans cette آية là il a spécifié cette connaissance-là par deux points. Hahona il a dit wa indahu mafatihul ghaib. Ça c'est une jumla qui est quoi? Ismiya, mubtada wa khabar. Indahu hada shib jumla qui est le khabar. Wa mafatihul ghaib hada c'est le mubtada. Donc là comme tu peux voir le mubtada il vient en deuxième position. Alors que fil asl yani généralement il vient en première position. Yani fi ghayri kitabillahi azza wa jalla yajuz an taqul mafatihul ghaib indahu. Lakin le fait qu'on a dit عنده مفاتيح الغيب c'est comme si jamais c'était dit ليس عند غيره يعني ça يفيد الحصر qu'on ne trouve pas en dehors de d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم il a appuyé cela قال لا يعلمها إلا هو فأكد أن علم الغيب عنده بقوله سبحانه وتعالى لا يعلمها إلا هو. Et ça c'est من أقوى دلالة الحصر يعني les choses qui spécifient le fait que tu y ramènes une négation, ensuite tu ramènes illa. Ça, c'est la plus forte des comment ça s'appelle, ils disent, uslub al-hasr, yani pour restreindre une chose. Tu ramènes la négation, ensuite illa. Wa hahuna kadalika, avant il avait dit, wa indahu mafatih al-ghaib. Hada kadalika, c'est min uslub al-hasr. Yani taqdim, mahaqquhu ta'khir. Le fait de faire précéder une chose, qui à la base devait venir en deuxième lieu. Naham. Fahada dalla ala annahu min khasa'isi subhanahu wa ta'ala. Qala, ويعلم ما في البر والبحر البر بمعنى في الأرض والبحر يعني معروف قال ما تسقط من ورقة إلا يعلمها أي ورقة ورقة من الشجر أي شيء يعني قال ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا حبة يعني الغن في ظلمات الأرض يسول تيخ قال ولا رطب ولا يابس يابس سك والرطب سيشوس كيف خش قال إلا في كتاب مبين أي هو لوح المحفوظ. الكتاب المبيد هنا بمعنى لوح المحفوظ يعني كل هذه الأشياء مكتوبة. Donc ça montre que c'est un kitab qui est عظيم جدا. Un kitab qui est عظيم جدا. اللوح المحفوظ يعني tout est écrit. En détail. En détail. يعني comme ils ont dit les ulama, عدد النفس. Le nombre d'expiration, d'inspiration. Tout est écrit. Donc pour chaque personne. Fait c'est un ilm, c'est un livre qui est hazim jiddan, qui montre, il y a un ilm Allah subhanahu wa ta'ala qui est un ilm hazim jiddan. Wasi'un jiddan. Naam. Rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmatan wa ilman. Fa rahmatullah alaykum son ilm. Wasi'a jiddan. Son ilm est comme la rahma. Wasi'atun jiddan. Naam. Fa celui qui prétend à venir, c'est comme si jamais il avait ou les choses invisibles, c'est comme si jamais il avait rejeté cette ayah là. وكذلك من الآيات من ذلك قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله دي il n'y a personne en dehors d'Allah سبحانه وتعالى qui connaît l'invisible qui est dans les cieux et dans la terre. Et Cheikh Al-Uthaymeen a évoqué que cette ayah là montre clairement que celui qui prétend les choses de qui sont invisibles ou bien l'avenir, c'est un kafir billahi azza wa jalla, parce que c'est comme si jamais c'était attribuer une sifat qui est particulière à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ilm al-ghaib. Faqala rahimahullah ta'ala, qala hadha min aqwa anwa' al-hasr, comme on a pu voir. Ça fait partie des styles de la, comment on pourrait dire ça, yani pour restreindre une chose, yani, qui est la plus forte. Une négation, ensuite on ramène illa, qulla, ça c'est la négation, ya'lamu man fi samati ar, al-ghaiba illa Allah. Faqala rahimahullah, qala hadha min aqwa من أقوى أنواع الحصر قال فإذا ادعى أحد علم الغيب فقد كذب القرآن فقد كذب القرآن نعم فهذا سان كفر بالله عز وجل سان كفر بالله celui qui prétend cela سان كافر بالله سبحانه وتعالى ça fait partie des taghawit, yani ceux qui sortent de l'islam. قال رحمه الله تعالى قال والخامس قال الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة نعم الذي يعبد من دون الله كما قال وهو راض بالعبادة فالعابد والمعبود كلاهما كفار. Celui qui adore et celui qui adoré, les deux sont des kafirs. À partir du moment que le ma'boud il est quoi? Radi bidhalika. Si jamais il agrée d'être comment ça s'appelle adoré, fa huwa kafirun billahi azza wa jall. Ça c'est le kufr yani akbar, yani c'est le plus grand des shirk. Là il s'est prétendu comme al-ilah, li'anna al-ma'bud huwa al-khaliq wa Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى قال الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة قال والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين et celui qui prétend منهم إني إله إلى une divinité من دون الله en dehors d'Allah سبحانه وتعالى فذلك نجزيه جهنم cette personne là nous allons le retribuer par l'enfer كذلك نجزي الظالمين الظلم ها هنا سل الظلم الأكبر كالشرك كذلك نجزي الظالمين c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. نعم فهذه الآية واضحة جدا que ça fait partie du طغيان de التجاوز لأن حد الإنسان أن يكون عابدا حد الإنسان أن يكون عابدا la limite de chaque personne c'est d'adorer et de ne pas être adoré. فسي jamais il se fait adorer et il est راضي فها الآن تجاوز الحد il a dépassé la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a limité. Fahahuna, hada dakhala fi tughyan, il est rentré dans at-tajawuz, dans l'exagération. Naham. Fahada min at-taghawit. Wa kadhalika, kama qala hahuna, wa huwa radin, ce qaïd-là, il est important. Parce qu'il y en a qui, comme on a pu voir, ils sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, lakin ils ne sont pas radin. Ils sont adorés, yani, injustement. Comme c'est le cas de Muhammad, yani, certains de tawaf, min as-sufiyya, يعبدون محمدا وكذلك اسمه عيسى وعزير وهناك من يعبد من دون الله وهو ليس براضي كذلك عبد القادر الجيلاني كما ذكر بعض العلماء يعني c'était quelqu'un de صالح il n'a jamais appelé les gens ce que on l'adore نعم فهؤلاء ils vont comment s'appelle se désavouer de ces personnes là يوم القيامة كما قال سبحانه وتعالى قال إنكم وما تعبدون من دون الله vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah عز وجل حسب جهنم أنتم لها واردون comme on a pu le voir dans cette ayah là dans Anbiya de la il y a 98 jusqu'à 101 إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم حسب بمعنى حطب أنتم لها واردون يعني vous y rentrerez لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون si jamais ces personnes là qu'ils adoraient en dehors d'Allah عز وجل étaient véritablement des divinités et n'aurait pas pénétré en enfer. قال وكل فيها خالدون. Et chacun du abid de l'adoré de celui qui adore seront dans l'enfer éternel. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Et ils auront des anwa' min al-hazab. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. comme on a pu voir cette ayah là, lorsqu'ils ont entendu les mouchriks, ils étaient contents, ils ont dit on a trouvé un défaut dans le kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Il est dit que ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal, ils iront en enfer. Donc vous prétendez que Isa ira en enfer parce qu'il a adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Faqala subhanahu wa ta'ala ba'da zalika innal ladhina sabaqat lahum minna al-husna ulaika 'anha mubahadun, excepté ceux qui dont yani on leur a prédit le paradis, ceux-là seront écartés de l'enfer. C'est-à-dire que ils n'iront pas en enfer parce qu'ils n'ont pas agréé d'être adorés. Naam. Cette ayah là, kadhalika, allait rajouter yani, à ce qu'il a évoqué hahuna. Et ça c'est wadihun jiddan. Soumanqa rahimahullah ta'ala, qala wa'alam, comme on a pu voir, c'est une kalima, afin d'attirer l'attention et de faire bien attention à ce qui va suivre, parce que c'est important ce qu'il va évoquer hahuna. Qala wa'alam anna l'insana ma yasiru mu'minan billahi illa bi kufr bi ta'ghut. Naam. Fa al-imanu billahi wahdahu duna al-kufr bi ta'ghut, c'est comme si jamais une personne elle avait dit ashhadu illa Allah. فالكفر بالطاغوت لا اله والايمان بالله عز وجل اي توحيد سي الا الله فلا بد من الاثنين فكما قال هو رحمه الله تو كم الانسان سي جامي دي اشهد الا الله سي با مسلم فكذلك الذي يؤمن بالله عز وجل لكن لا يكفر بالطاغوت فهذا لا ينفعه لا يصير مؤمنا كما قال هو رحمه الله قال والدليل قوله تعالى فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وقال العلماء هذه الآية بمعنى لا إله إلا الله. Et dans le parfait ordre. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ قال العلماء بمعنى لا إله وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ بمعنى إلا الله. فلا بد أنه يكفر بالطاغوت كما قلنا يعني في الدروس السابقة في شروط لا إله إلا الله. تمام. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Ayalamuna madlul hadhihi al-kalima, ils connaissent le sens de cette kalima là qui a deux piliers. Le premier des piliers c'est nafi la ilaha et nafi kullu ma ubida min dunillah et bima'na al-kufr bi kulli ma ubida min dunillah azza wa jalla. Tam nakfur yani bi ibadati ghayra Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu ma kana ubida wa huwa radin wa kullu man 'abada ghayra Allah azza wa jalla nakfur bihim. Hawala, on se désavoue de ces personnes là et on les déteste fillahi azza wa jal, et on a une hostilité, une haine envers ces personnes là hada huwa al-kufr bit-taghut, comme on a pu voir sifat al-kufr bit-taghut min dhalika al-hadawa wal-baghda wat-takfir wal-hajr wal-hijra ila akhirih. Naam. Qala fa celui qui fait cela qala fa qad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, al-urwa bima'na al-bartlufik al-hubl, si tu veux. Tam al-urwa bima'na al-hubl, lance yani comme ils ont traduit. Al-wufqa, c'est le ismu tafdil de wasiqa. Il y a une chose dans laquelle tu as confiance. Al-wufqa, c'est ismu tafdil de awthaq. C'est-à-dire la chose yani, sur laquelle tu te cramponnes yani, fermement. Qala faqad istamsaka bil-urwati al-wufqa l'infisama laha. Al-infisam, bimahna al-infisal. Yani la rupture. Sauf que les ulama, ils ont dit al-infisam. C'est quoi? C'est la rupture qui se fait sans bayinouna. Il y a une scission, la kin, sans que elle soit, comment ça s'appelle, séparée. C'est comme s'il y en a une chose, il y a une cassure, la kin, sans séparation. Maintenant, celui qui se, on va dire, qui se casse le bras, il y a une scission, il y a une fissure qui se fait à l'intérieur du bras, la kin, son bras, il n'est pas dissocié, une partie là, une partie là. Ça, je sais pas si tu m'as compris. Non. Voilà. En fait, c'est brisé de l'intérieur. Brisé de l'intérieur, lakin l'extérieur, elle est toujours. C'est comme si jamais elle était attachée. Naam. Hada huwa bima'na al-infisam. Tam c'est al-inqita' ni bil batin. C'est la rupture qui est à l'intérieur, non pas à l'extérieur. Et c'est pas une division ici entre deux choses. Naam. Fa al-infisam bima'na dhalika, parce qu'il y a des choses, tu crois que tu t'accroches dessus, tu crois qu'il est, il est solide. Tu le vois d'apparence, tu dis cette chose-là, les muttasil, elle est liée. Tu t'accroches dessus, en vérité, à l'intérieur, elle est cassée. Donc tu peux pas te tenir dessus, tu tombes. Yani Allah, il dit, celui qui s'accroche par cette kalimat-là, il s'est certes accroché par une chose dans laquelle il est sûr de pas tomber. Yani, il est sûr de pas tomber dans le feu de l'enfer. Man mata wa huwa, ya'lam annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah, comme on a pu le voir. Hada, c'est une ibara pour dire que cette kalimat là, il n'y a pas à avoir de peur pour celui qui s'est accroché. Il y en a sûrement cette kalimat là. D'extérieur et d'intérieur, c'est une parole qui est liée. Que l'insan il peut se cramponner dessus, il n'y a pas de problème. Naam. C'est pour ça qu'il a utilisé l'anfisam. Naam. قال والله سميع عليم نعم فالكفر بالطاغوت هذا لا بد منه كما قال سبحانه وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون تمام فيا دي جون كي croient en Allah عز وجل لكن كي sont مشركون pourquoi parce qu'ils ont pas fait le kufr bitaghut ils adorent Allah عز وجل ils adorent aussi en dehors d'Allah سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى قال الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم قال والغي دين ابي لهب قال الرشد الرشد بمعنى على جدي الرشد c'est بمعنى على جدي و si jamais tu trouves مثلا الهدى والرشد c'est الهدى بمعنى العلم النافع والرشد بمعنى العمل الصالح تمام attends on va laisser passer le camion là تمام قال الرشد يعني الشيخ الامام ابن قيم رحمه الله تعالى قال الرشد قال هو العلم بما ينفع والعمل به الرشد الرشد il a dit رحمه الله c'est le العلم النافع والعمل به c'est-à-dire la science qui est profitable et l'œuvre قال والرشد والهدى إذا أفرد كل منهما تضمن الآخر lorsque tu entends الهدى c'est بمعنى الرشد c'est-à-dire le علم العمل الهدى والرشد يعني c'est comme الإسلام والإيمان قال وإذا قرن أحدهما بالآخر قال فالهدى هو العلم بالحق et lorsque tu retrouves les deux dans une même phrase الهدى c'est بمعنى العلم والرشد بمعنى العمل والرشد بمعنى العمل نعم قال وضدهما الغي واتباع الهوى et l'inverse de ces de الهدى والرشد il dit c'est الغي الغي c'est-à-dire يعني délaisser une chose avec avec science comme l'ont fait les يهود اليهود ils ont délaissé العلم ils ont délaissé العمل avec le علم فالله عز وجل سماهم حمار مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أو لا غاون Al-Ghawi, c'est celui qui connaît la vérité et la délaisse. Adda, c'est celui qui est égaré et qui ignore qui est égaré. Et la parole d'Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, elle est dans Ighathatul Ahfan. Un livre qui s'appelle Ighathatul Ahfan dans le Mujallad Al-Awwal, la page 537. Farrujdu, il haqqaqa Sayyidina Muhammad. La shak wa la raiba fi. La shak wa la raiba fi. Sayyidina Muhammad. Parce que Al-Ilm al-Nafi' wa al-Amal al-Salih, c'est la chose par laquelle a été envoyé Al-Nabi sallam. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هذا هو الرشد ce qu'il a dit c'est bon والغي قال دين بجهل أما الغي دين بجهل c'est le كفر il y a des choses aussi qui sont en dehors de la mécréance qu'on appelle ça الغي الغي c'est tout عمل que tu as délaissé et que tu sais qu'il faut le faire ça on appelle ça غي الضلال c'est lorsque tu rentres dans une مخالفة et tu ignores que ces choses là elle est quoi elle est مخالفة il ignore comme la plupart des tablighs et ceci cela Ils font des choses et ignorent. Ils ignorent, ils sont dans l'égarement. Hada, on appelle dal. Et celui qui délaisse le ilm, plutôt l'amal bil ilm, fahada yusamma ghay. Qala wal urwatul wufqa qala shahadatu an la ilaha illallah. Qala wa hiya mutadamminatun lin nafi wal isbat. Et elle comprend une négation et une affirmation. Qala tanfi jami' anwa' al ibadati an ghayri Allah ta'ala. Elle réfute toutes les catégories d'adoration qui sont vouées à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال وتثبت جميع انواع العباده كلها لله وحده لا شريك له et l'affirmation elle affirme toutes les ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala قال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واختم هذا يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي تتم وبنعمته تتم الصالحات فهذا هو اخر ذلك الدرس الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمه سان كتاب كنافع et qui est مهم جدا Et tadammana kathir min al-rasail al-nafi'a li Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. En espérant inshallah tabarak wa ta'ala qui sera profitable pour toi et pour moi inshallah tabarak wa ta'ala. Et ensuite inshallah on poursuit avec al-usul al-sitta li Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Nas'allah azza wa jalla tawfiq wa sadat wa an yanfa'ana wa yak bima sami'ana wa an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fi yattabi'una ahsana. Na'am. Wa yak ya akhi. Na'am. Afiyak barakallah. Alhamdulillah.